compter. Mais ce qui m'importe mon pote, c'est trop pas, j'ai la vérité. Ça fait déjà des années que j'aurais dû te le dire. Mes feuilles se remplissent et ce thème reste vide. Quelque chose à compléter me signale mon état d'âme. À quoi bon renoncer, devoir sourire cette dame. Et pour te le dire, je n'attends pas de fonctionner. Vous remercier celle qui est à mes côtés, dans les bons et surtout les mauvais, toujours là à m'épauler. J'aimerais lui rendre ce qu'elle m'a donné. J'aimerais reprendre ce que j'ai bafoué. Et un seul titre n'y suffira pas. Laisse-moi au moins te dédier cela. Quand j'ai plus d'inspiration, je me tourne vers maman. Elle me fait la plus beau temps de mes chansons. Maman, quand j'ai plus d'inspiration, je me tourne vers maman. Elle me fait la plus beau temps de mes chansons. Maman. À toi qui as vu mon premier souffle, à toi que je crache souvent dans ta soupe. Pour voir ton amour, pas besoin d'une loupe. Louve, j'en ai aucun doute. Tout le love que j'ai pour toi ne se résume pas de serrer simplement dans mes bras. Vois, au-delà des paroles, c'est la mère qui fait l'homme. L'important c'est pas comment on commence, mais comment on finit. Ceci est l'une de tes récits et j'espère que tu n'es pas déçu, même si je ne deviendrai jamais ce que t'aurais voulu. Quand j'ai plus d'inspiration, je me tourne vers maman. Elle me fait la plus beau temps de mes chansons. Maman, quand j'ai plus d'inspiration, je me tourne vers maman. Elle me fait la plus beau temps de mes chansons. Maman. Ouais, un gros big up, toutes ces mères, que c'est de satisfaire leur enfant, avec les moyens, du bord. Ouais, un gros big up, ces mères, yeah, big up, Quand j'ai plus d'inspiration, je me tourne vers maman. Elle me fait la pluie, le beau temps dans mes chansons. Maman, quand j'ai plus d'inspiration, je me tourne vers maman. Elle me fait la pluie, le beau temps de mes chansons. Maman, quand j'ai plus d'inspiration, je me tourne vers maman. Elle me fait la pluie, le beau temps de mes chansons.